Dans mon pays, il y a trois bonnes femmes. Dans mon pays, il y a trois bonnes femmes qui font du mal aux hommes. Qui font du mal aux hommes et font du mal aux femmes. Et font du mal aux femmes. Ding ding dong dong, ding ding dong, ce sont des cloches. Ding ding dong, ding ding dong, ce sont des cloches. J'ai nommé la ministre de l'économie, la ministre de la défense, et celle pour finir, la ministre des sports. Dans mon pays, dans l'Iran, dans mon pays, dans l'Iran, il y avait trois femmes qui faisaient bien du mal.